Si je devais coucher avec mes amis, un Tony, ça serait le dernier sur ma liste. Je sais pas, physiquement, il m'attire pas. Et puis même, sa façon de penser et tout, ses concerts en slip et tout. Je sais pas. Non, pas Tony, quoi. Salope. Salope. Passer la soirée ensemble, je veux dire, sans se toucher, quoi. Puis même, quoi, je veux dire, c'est Tony, je préfère encore coucher avec des gens de mon âge, tu vois, je veux dire, ceux qui ont des boutons ou qui sentent le Biactol, mais Tony, attends, il a 23 ans, quoi.